parmi tant d'autres. Le jour s'est endormi, je recommence ma nuit. Encore une autre nuit, une nuit parmi tant d'autres. Le jour s'est endormi, je recommence ma vie. Où j'avais juste le goût de lui serrer la main. C'est l'un de ces soirs où j'avais juste le goût de la serrer contre moi. Encore une autre nuit, une nuit parmi tant d'autres. Le jour s'est endormi et ce soir je sors avec elle. Et je respire pour pouvoir lui dire, il me semble qu'on se connaît, il me semble qu'on se connaît. Encore une autre nuit, une nuit parmi tant d'autres. Le jour s'est endormi et ce soir je dors avec elle. Ce soir je dors avec elle. Je dors avec elle.